Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, le direct de 18h à 19h sur Radio Guémozo 107FM. Et ce soir, on va parler encore une fois de paix. C'est vrai que vous commencez à être un petit peu habitués, le mouvement de la paix c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais ce soir ce n'est pas le mouvement de la paix, c'est une autre institution toujours en lien avec la paix. Il s'agit du Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l'Homme. Et pour ça, j'ai Philippe Hanche, le directeur de cette association, avec moi. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lou. Alors, déjà bienvenue à Radio Guémozo, il paraît que c'est une première. Pour Radio Guémozo, oui, effectivement, c'est une première. En effet, et si je fais appel à toi aujourd'hui, déjà c'est pour mettre en avant ton association, mais aussi, ça on va y revenir plus tard, durant l'heure qu'on a à l'antenne, je te fais venir aussi, ou je te fais intervenir, pardon, au sujet d'une conférence mercredi en lien avec une exposition « Nous, présidents, 60 ans de 5e République ». Ça, c'est l'événement imminent qu'on va annoncer durant l'émission. Mais avant toute chose, je pense que les auditeurs auront peut-être envie de savoir ce qu'est en fait l'association, le Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l'Homme. C'est un nom qui en impose quand même un petit peu. Alors, est-ce que tu peux la présenter à nos auditeurs ? Alors, en fait, c'est une association qui a été créée en 1989. On est quelques années après le geste symbolique entre Helmut Kohl et François Mitterrand. C'était le 22 septembre 1984. Ils étaient main dans la main sur le champ de bataille de Verdun, unis quelque part, alors qu'il y avait tant de souffrances entre le peuple français et le peuple allemand sur ce même terrain. Et puis, Verdun prend conscience que Verdun, mais aussi la région, le département et puis l'État prennent conscience que il faut peut-être offrir aux touristes qui viennent à Verdun, dans les sites mémoriels, que ce soit le Suaire, que ce soit sur le champ de bataille, il faut leur offrir des clés de compréhension. Comment l'histoire a conduit à trois conflits majeurs et comment on peut sortir d'un conflit pour instaurer un modèle de paix. Donc c'est le rôle du Centre Mondial de la Paix que d'apporter justement ces réponses, de dire voilà, toute l'histoire, elle est longue, l'histoire à Verdun, parce que c'est le traité de Verdun, c'est la division de l'Empire de Charlemagne qui marque déjà la division entre France et Allemagne, mais c'est la Première Guerre mondiale, c'est Mitterrand-Kohl, on l'a dit, et toute l'histoire, finalement, de Verdun, elle va permettre d'expliquer comment on arrive à ces trois conflits majeurs, 1870, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et comment l'Europe sera la clé de voûte de la solution sur notre continent. Donc ça c'est concernant l'association, donc qui est une association loi de 1901 comme beaucoup d'associations qu'on voit partout, mais après tout ce centre mondial c'est le seul centre on va dire de la paix, des libertés, des droits de l'homme. Oui, l'idée c'est d'avoir un objet qui soit assez large. Centre mondial de la paix, on est à Verdun, donc forcément la paix, on en parle puisqu'on a parlé beaucoup de guerre. Des libertés et des droits de l'homme. Liberté et droits de l'homme sont souvent les conditions indispensables pour qu'on soit en démocratie, pour que le peuple puisse contrôler ses dirigeants et pour qu'on évite de trouver des situations de tension. La démocratie reste quand même la solution la meilleure qui puisse préserver des conflits. Et c'est pour ça que cette appellation liberté et droits de l'homme a été ajouté à Centre Mondial de la Paix. J'ai envie de revenir un petit peu à son implantation, vu que je rappelle à nos auditeurs que le Centre mondial de la paix, des libertés, des droits de l'homme, bon, je vais parfois raccourcir en Centre mondial de la paix, hein, ce centre-là se trouve à Verdun. Pourtant, la guerre a fait rage partout, à plein d'endroits. Bon, après, j'imagine déjà que ça se trouve à Verdun déjà à cause de la bataille de 1916. Mais c'est vrai, est-ce qu'il y a d'autres raisons spécifiques qui font qu'elle se trouve là? Alors, on a vu effectivement qu'il y a l'histoire qui explique déjà la présence du Centre mondial de la paix à Verdun, mais il y a aussi un effet de circonstance. C'est un petit peu la solution prônée par Stéphane Bern pour préserver le patrimoine, parce qu'on a la chance d'être installé dans le prestigieux palais épiscopal de Verdun. Vous savez, en Lorraine, il y a trois grands évêchés qui étaient Toul, Metz et Verdun, et à Verdun, il y a un évêché extraordinaire, un palais de l'évêque extraordinaire, mais il était un petit peu en ruine à la fin des années 80, parce qu'il est très très cher, très onéreux à entretenir, à faire fonctionner. Donc c'était aussi l'idée que l'association, par son activité économique, va permettre d'utiliser au mieux ce patrimoine, parce qu'il y a une surface extraordinaire à l'intérieur, il y a des milliers de mètres carrés à l'extérieur, des milliers à l'extérieur. Donc l'idée, c'est que l'activité de l'association va pouvoir utiliser pleinement le patrimoine et va pouvoir générer des revenus qui vont permettre de l'entretenir. Et ça fonctionne depuis maintenant son ouverture en public en 1994. Comme je le disais, hein, ce Centre mondial de la paix, c'est là où sont regroupés, déjà là où est regroupé le siège social de l'association, mais ce n'est pas une simple, du moins vous vous trouvez dans le palais épiscopal, et c'est pas juste un endroit avec des bureaux et des diplomates qui vont et qui viennent, j'imagine. Non, c'est tout le contraire. Dès le départ, le Centre mondial de la paix, c'est un lieu de réflexion, un lieu d'échange. Donc on a trois parties pour faire schématique. On a une partie d'exposition, ça fait grosso modo 2000 mètres carrés, c'est quand même très vaste, 2000 mètres carrés d'exposition, ce qui nous permet d'avoir trois expositions simultanément qui changent chaque année. On a une partie de salle de réception qui permettent à des groupes, à des conférenciers de venir, d'échanger. Et puis on a une partie de bureaux, on va dire, qui sont le siège de structures qui travaillent de façon scientifique ou pédagogique sur les thématiques qui sont autour des nôtres. Donc on a par exemple Canopée, c'est l'ancien CDDP qui travaille sur la pédagogie, et c'est le centre Canopée de Meuse qui est spécialisé dans le franco-allemand et le 14-18. Donc on est tout à fait connexe à notre activité, et on a d'autres associations qui sont comme ça dans quelques bureaux, ce qui permet, quand on travaille ensemble avec cette synergie, d'avoir finalement une programmation qui est encore plus riche. Même si on travaille avec d'autres partenaires qui sont très prestigieux, comme l'ONU, comme l'Union Européenne, la présidence française, la présidence allemande, le Bundestag, le Conseil de l'Europe, ils sont tellement nombreux, les prix Nobel de la paix, ils sont tellement nombreux que je ne voudrais pas en oublier, mais c'est quelque part à la fois l'union du local, du régional, du national et de l'international. Les partenaires, on va y revenir, hein, t'inquiète pas, mais tu as parlé, hein, vu que on met les choses un petit peu dans l'ordre, doucement. Tu as parlé d'exposition, et je suis certaine que ça a un petit peu titillé la curiosité des auditeurs, vu qu'en effet, s'il y a des expositions, c'est que, elles rentrent dans la thématique de la paix, des libertés et des droits de l'homme. Et justement, hein, tu as dit que il y a trois expositions permanentes qui tournent tout au long de l'année, où vous pouvez avoir trois expositions en même temps. Et elles se font sur quatre thématiques. Hein. Ces thématiques sont, je vais les citer, hein, la Grande Guerre, les liens entre la France et l'Allemagne, les droits de l'homme et les conflits contemporains, et enfin l'excellence régionale. Alors déjà, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que signifient ces différents axes, et ensuite pourquoi ce choix-là, ou quelles portes ils ouvrent ? En fait, c'est un choix qui est assez simple. Il résulte de ce qui doit plaire aux visiteurs pour que les visiteurs viennent visiter les expositions, parce qu'on vous avait bien compris, je parle aux auditeurs, que les touristes qui viennent voir nos expositions sont notre raison d'être et nous permettent de continuer notre activité et d'entretenir ce patrimoine. Le premier axe, centenaire de la Première Guerre mondiale, on est à Verdun. Verdun est emblématique de la Première Guerre mondiale. On sait que 80 nations ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, donc effectivement, on ne peut pas être à Verdun sans parler un petit peu de Première Guerre mondiale, c'est difficile. Deuxième axe, on est sur liberté, droits de l'homme, conflits contemporains. Là, ça permet plutôt de faire des analogies, de dire, voilà, quand on parle de l'intervention au Mali en 2013, on explique un petit peu, déjà avant les attentats, quelle est cette menace qui peut intervenir sur le continent européen, pourquoi la France va intervenir, et elle n'intervient pas seule, puisqu'elle va intervenir avec 13 pays de la CEDEAO, c'est-à-dire 13 pays africains, avec le concours logistique de tous les pays alliés occidentaux. Donc c'est une façon d'expliquer aussi comment on va prévenir une crise avant qu'elle ne soit trop grave et qu'on ne puisse plus rien faire. Lorsque on est sur la thématique troisième axe des relations franco-allemandes, c'est clair que Verdun part à la fois son histoire, Charlemagne, le traité de Charlemagne qui à Verdun va diviser l'empire de Charlemagne en trois morceaux et finalement donner quelque part naissance à cette division entre France et Allemagne qui va s'entretenir pendant un millénaire avant de vraiment s'exacerber en 1870, puis en 1914, puis en 1939-45. On est encore dans l'histoire franco-allemande. On y est encore lorsque François Mitterrand et Helmut Kohl sont main dans la main à Verdun. Donc cette histoire franco-allemande, elle est très importante. On sait que le moteur franco-allemand, c'est le moteur de l'Europe. Donc cette histoire franco-allemande, elle nourrit vraiment notre histoire, notre continent et notre capacité à rester en paix. Et puis, dernier axe, qui est l'excellence régionale, parce qu'on ne peut pas être effectivement sur un territoire en étant coupé de ce territoire. Donc ça nous permet de faire plaisir à des artistes, mais aussi, je pense par exemple aux apprentis verriers de Val-Neuchâtel qui sont venus il y a 2 ans, qui ont fait un travail remarquable en essayant de concevoir avec du verre des objets qui pouvaient justement refléter des thématiques liées à la guerre ou liées à la paix. Donc c'est un petit peu ce mélange qui permet aussi aux visiteurs d'avoir une pluralité de vues, de se dire tiens, on ne va pas voir à Verdun que des bombardements, on ne va pas voir que des soldats morts, que des armes ou des décorations ou des uniformes, on va aussi voir comment l'histoire s'est construite et comment on peut construire la paix. Donc voilà, ça c'est pour les différents axes. Et tu as parlé de visiteurs, je pense que c'est peut-être un petit peu le moment et l'occasion de parler de prix d'entrée, vu qu'après tout, il faut bien que l'association vive. Il y a, j'imagine, un prix à payer pour accéder à ces expositions. Le prix est modeste parce qu'on est sous format associatif et que c'est une volonté vraiment de rester sur un prix modeste. Donc on est moins cher qu'une place de cinéma, à 5 euros pour l'entrée pleine sur un parcours qui ouvre sur deux des trois expositions et une exposition qui, elle, est individualisée sur un coût supplémentaire. Mais bien sûr, je ne fais pas abstraction des réductions ou des gratuités. Un enfant de moins de 6 ans qui est totalement gratuit ou des enfants jusqu'à 15 ans qui sont à demi-tarif. Il y a des avantages aussi avec la carte Lorraine Passe et la carte Multipass des lycéens, puisque l'un de nos gros partenaires institutionnels, c'est la région Grand Est maintenant. Donc c'est pour le prix d'entrée. Dis-moi, ça te dirait une petite première pause musicale ? Allez, volontiers, Lou. Alors, tu as proposé un morceau très connu, celui de la chanteuse d'opéra dans Le Cinquième Élément de Luc Besson. Et bien, tu sais quoi ? On va s'écouter ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Merci, Lou. Sono i colpi di suo bacio. De retour sur Radio Guémouzo 107 FM. Vous pouvez réagir comme d'habitude à l'émission en nous envoyant un petit message sur notre page Facebook. Pas la peine d'appeler en effet, vu que l'invité de ce soir, Philippe Hansch, directeur du Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme, est au téléphone avec moi. Ça va Philippe, t'es toujours là ? Toujours là, sans souci. C'est le morceau que tu as choisi, hein, parce qu'après tout, les pauses musicales, les auditeurs sont habitués. Généralement, ce sont les invités qui les choisissent, et ce morceau-là, c'est toi qui l'as choisi. Et il me semble que c'était pas anodin. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi ? C'est un morceau, quand on regarde ce film de Luc Besson, qui d'un seul coup va arrêter l'attention de tout le monde. Il est au-dessus. C'est un moment de poésie extraordinaire. On sent bien qu'il n'y a rien qui peut dépasser la force de ce morceau de musique. Et je me suis dit par analogie que quelque part, quand on parle de la Constitution, qui est le texte juridique qui régit et qui est au sommet de notre ordre juridique, qui va régir les pouvoirs publics, qui va organiser notre vie en société, ben on est sur cette même idée. Ça doit être quelque part la plénitude totale, avec à la fin ce soupçon de modernité qui permet au morceau qu'on vient d'écouter finalement d'être tout à fait actuel et qui permet pour la Constitution de s'adapter au travers des âges, puisque celle de la Ve République a quand même traversé 60 années pour venir jusqu'en 2018 fêter son 60e anniversaire. Et on voit bien qu'elle a résisté à la cohabitation avec François Mitterrand et d'ailleurs celui dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire Michel Charras. En effet, vu que la raison aussi pour laquelle je te fais intervenir dans nos micros, c'est pour une conférence organisée ce mercredi, une conférence donnée par Michel Charras, ce sont des personnages politiques que je connais assez peu, mais il est membre du Conseil constitutionnel, il est vice-président de l'Institut François Mitterrand, et il va donner ce mercredi 30 mai à 10h30 une conférence en lien avec l'exposition « Nous, présidents, 60 ans de 5e République ». Alors que comme tu en as parlé, hein, La 5e République va apparemment fêter ses 60 ans, hein. Je peux pas attester, j'étais pas là. mais parle-nous, oui, un petit peu de cette exposition. Depuis quand elle est là, jusqu'à quand, et qu'est-ce qu'elle tend à montrer ou à transmettre aux visiteurs ? Alors, avant de parler d'exposition, juste un mot sur Michel Charras, qui est un personnage que, effectivement, Lou, tu n'as pas connu parce que tu es un peu jeune, mais que beaucoup d'auditeurs doivent connaître. On le reconnaît assez facilement. C'est le monsieur qui avait les bretelles et le cigare à la main. C'était le plus proche conseiller de François Mitterrand. Il a été son ministre. Il a vraiment très, très bien connu. On y reviendra, on en reparlera tout à l'heure. L'exposition de nous présidents, 60 ans de 5e République, c'est un projet fou. C'est l'idée de faire la plus grande exposition de France consacrée à cette thématique, parce que la Constitution, c'est aussi la garantie de nos droits de l'homme. On trouve dedans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et on a voulu faire quelque chose d'important et on a eu un peu de chance. On a eu la chance de devenir dépositaire des collections de cadeaux reçues par Nicolas Sarkozy et François Hollande pendant leur mandat. C'est des milliers d'objets. Et ça nous a permis de bâtir un squelette très, très important, de travailler avec l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Élysée, aujourd'hui sous la présidence d'Emmanuel Macron, de travailler avec les musées des présidents, avec la Fondation Charles de Gaulle, avec l'Institut Mitterrand, bref, de réunir 600 objets qui sont presque tous inédits. Alors, je crois qu'il y a 99% d'objets qui n'ont jamais été montrés au public, de réunir des pièces de mobilier qui viennent des grandes institutions, l'Élysée, le Sénat, l'Assemblée, et de permettre aux visiteurs de rentrer dans les coulisses de la Ve République, parce que ce qu'on voulait vraiment, c'était mettre des gens dans les coulisses du pouvoir. Donc ils peuvent rentrer dans l'Élysée, ils peuvent se prendre en photo dans le bureau d'Emmanuel Macron ou dans la salle du conseiller ministre, être orateur à l'Assemblée nationale derrière la copie exacte du bas-relief de chaque député qui prend la parole. Ils peuvent s'asseoir au Sénat ou ils peuvent simplement se prendre en selfie avec n'importe quel des présidents de la République, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron. Plus découvrir, bien sûr, 600 objets et puis 250 affiches qui racontent l'histoire de l'élection présidentielle depuis 1965. Le président est élu par tous les Français. Ça donne toujours lieu à des moments de passion où tout le monde se souvient forcément d'une campagne électorale. Je suis sûr que Lou, toi, tu te souviens de la première fois où tu as voté et forcément la première campagne électorale que tu as suivie. Ah, forcément, je m'en souviens très très bien. c'est vrai, d'après ce que je comprends, d'après ce que tu me dis, cette exposition permet de se mettre un petit peu dans la peau des présidents qui se sont succédés au gouvernement français, c'est ça ? Oui, c'est l'idée c'est qu'on voulait vraiment permettre à chacun de revivre un petit peu et de vivre surtout des moments uniques, c'est-à-dire que à mon sens, il n'y a pas beaucoup de nos auditeurs qui sont un jour rentrés à l'Élysée ou rentrés à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il n'y en a pas beaucoup qui ont pu un jour admirer un objet offert par le roi du Maroc ou par le président chinois ou par Donald Trump. Donc cette volonté, c'est vraiment de rapprocher finalement ce pouvoir qui est le nôtre, puisqu'on est en démocratie et on va élire nos représentants, que ce soit le président, nos députés, nos sénateurs indirectement. On va élire ces représentants. Et quelque part, on ne vit pas ce pouvoir parce qu'on a délégué ce pouvoir au président ou aux députés. Donc là, avec cette exposition, on peut vivre ce pouvoir, on peut rentrer, je répète, à l'Élysée, faire des selfies vraiment de façon exceptionnelle, voir à quoi ressemble une table officielle lorsqu'on reçoit un chef d'État, voir quels sont les objets qui sont échangés. Et puis, au travers de tous ces objets qui sont présentés, de toutes ces affiches, finalement, on explique quel est le rôle du président. Le président, il est chef des armées, il nomme le gouvernement, Premier ministre et ses ministres, et il est chef de la diplomatie. Voilà son rôle. Il est aussi gardien de la Constitution, de l'indépendance de la France. Mais il fait rien d'autre. L'Assemblée nationale, le Sénat votent les lois. C'est un contre-pouvoir. Donc c'est un petit peu toute cette explication qui est finalement beaucoup plus facile au travers d'une exposition comme celle-là que si on avait fait des panneaux en disant voilà le président, il est élu pour 5 ans maintenant depuis 1995 et puis pour 7 ans, il est chef des armées, il a comme domaine réservé la diplomatie, personne ne se serait intéressé. Alors qu'en voyant les objets, tout le monde rentre dedans et joue le rôle. Et il y a même des écoliers très souvent qui viennent et à la fin on organise un petit atelier où ils vont élire leur président après avoir travaillé justement dans l'exposition, avoir visité l'exposition, compris un petit peu, et ils vont jouer le jeu jusqu'au bout. Ah oui, donc ça leur permet aussi de mieux comprendre, j'imagine, la politique la politique de chez nous un petit peu, ou la façon de faire, enfin plein de choses, parce que c'est vrai qu'il me semble, hein, du moins, moi je me souviens très bien de mes années lycée, la politique c'est un petit peu une nébuleuse, et un petit peu tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui va avec, c'est une nébuleuse qui peut sembler très très loin, et qu'on a du mal à comprendre, du moins moi c'est les souvenirs que j'en ai de l'école, quoique même dans ma vie d'adulte, hein, la politique c'est encore pour moi quelque chose de pas très très accessible, mais j'imagine que oui, c'est bien entendu dans les buts. Et à l'association, donc au Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l'Homme, pardon, je vais y arriver, vous accueillez aussi beaucoup de jeunes, de lycéens globalement. Ça fait partie des publics prioritaires, parce que l'idée, c'est quand même qu'un jeune qui est en formation doit pouvoir se former pour devenir citoyen. C'est lui qui demain prendra les décisions. Quand il glissera son bulletin de vote dans l'urne, il doit comprendre les conséquences. Chaque jour, lorsqu'on fait ses achats, on prend une décision, finalement. Si je choisis de consommer français, de consommer vosgien, c'est une décision politique. C'est dire, voilà, j'accepte. Parce que je considère qu'il faut rémunérer correctement le producteur, de payer un peu plus cher, mais il y a moins de transport, il y a moins de pollution, et plutôt que d'acheter un produit équivalent qui serait fabriqué en Chine par un ouvrier qui serait payé vraiment une misère et qui viendrait de l'autre bout de la terre. Donc la politique, on en fait de deux façons, on en fait tous les jours, nous, citoyens, et plus encore lorsqu'on devient majeur, et on essaye donc pour les écoliers, pour les collégiens, pour les lycéens, de leur transmettre des valeurs avant qu'ils ne deviennent en âge de pouvoir décider eux-mêmes et de décider pour notre pays. Donc c'est quelque part cette démarche-là qui est importante, cette démarche citoyenne, de les rendre responsables finalement de ce qu'ils vont faire plus tard de leur vie. En effet, et dis-moi, en parlant de, alors non pas forcément ce qu'ils vont faire de leur vie, mais ça remonte encore de mes souvenirs de lycée, de collège, j'ai un petit peu envie de revenir sur l'axe franco-allemand en fait de l'association que tu diriges après tout. C'est vrai que la France et l'Allemagne ont longtemps et beaucoup été en conflit. Maintenant, je pense, tu peux m'arrêter si je me trompe, mais je pense que l'amitié entre la France et l'Allemagne est acquise après tout. Pourquoi continuer à encore mettre l'accent dessus ? En fait, c'est toujours beaucoup plus simple de débuter un conflit que d'en finir un. C'est beaucoup plus simple de taper sur l'autre finalement que d'essayer de le connaître. Et ce qui fait l'amitié franco-allemande, il ne suffit pas de la décréter, ça a été le traité de l'Elysée le 22 janvier 1963 qui porte sur l'amitié franco-allemande. Hein, il ne suffit pas de décréter que tiens, d'un seul coup, du jour au lendemain, on est deux peuples en amitié. L'amitié, ça s'entretient tous les jours, c'est parce que on se connaît, on ne parle pas la même langue, donc c'est déjà difficile et parfois vraiment compliqué même de se comprendre. Alors si on peut, au travers des relations franco-allemandes, mieux se connaître, connaître la culture de l'autre, connaître son fonctionnement, on anticipe beaucoup de conflits, et c'est ce qui n'a pas été fait peut-être dans le passé, à la veille des grandes guerres, lorsqu'il y avait des différences, on n'a pas su les apaiser. Donc cette amitié franco-allemande qui existe depuis 1963, qui est chaque année martelée par des gestes symboliques très très forts, il n'y a pas un couple entre le chancelier ou la chancelière et le président de la République française qui ne va pas accomplir chaque année un geste fort. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel qui étaient venus pour la première fois le 11 novembre à l'étoile sur la tombe du soldat inconnu. On l'a vu avec François Hollande qui était avec son homologue Joachim Gauck ou Horst van Villerkoff, c'est pas très loin de Remiremont. Ils étaient ensemble et on a vu des gestes extrêmement forts ce jour-là. On l'a vu lorsque Emmanuel Macron, bien sûr, comme tous les présidents de la République française, décide le jour de son investiture d'aller voir déjà son homologue, la chancelière allemande, pour parler, pour discuter, pour se connaître. Et c'est en se connaissant finalement qu'on apprend à mieux travailler ensemble et à éviter les conflits. Donc cette dimension franco-allemande, elle est vraiment, vraiment, vraiment essentielle. Et puis on est quand même, avec l'Allemagne, les deux pays, les deux poids lourds de l'économie européenne. Donc lorsque le continent ne va pas bien sur le plan franco-allemand, en général, il va mal aussi sur le reste de ses relations. Et donc, c'est pourquoi hein, tu expliquais pourquoi les relations franco-allemandes sont importantes à continuer à souligner. J'ai envie un petit peu qu'on parle des partenaires avec lesquels tu travailles, mais il est peut-être l'heure déjà de se passer une deuxième pause musicale. Alors, tu as proposé le morceau « Résident de la République » de Alain Bachung. Donc, tu sais quoi ? On s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. À tout de suite. Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. À peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, les atomes, fais ce que tu veux. Un jour je te parlerai moi, peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Je voguerai moins, peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, je sais pas. C'était Résident de la République de Alain Bachung. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups, hein, le direct de 18h à 19h sur Radio Gamozo. Et on est là pour parler, de paix, d'histoire et de présidence, bien entendu, vu que je suis toujours avec Philippe Hansch du Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme. Donc Philippe, je rappelle à nos auditeurs qui ont peut-être pris le train en cours de marche, hein, tu es le directeur de cette association et je crois, d'après ce que j'ai lu, tu es aussi lauréat 2015 du prix de l'amitié franco-allemande, hein. On a parlé un petit peu avant la pause musicale de l'importance des liens entre la France et l'Allemagne et même l'importance, ça on y vient, des liens avec d'autres partenaires externes. Avant de revenir à la conférence de Michel Charras, qui est la raison pour laquelle je te fais intervenir ce soir. Mais voilà, tu avais dit en début d'émission que tu travaillais quand même avec des partenaires très importants, internationaux. Je vais te laisser le plaisir de les dire à nos auditeurs et un petit peu de détailler le travail que tu fais avec eux. Alors en fait, ça, tout dépend des projets. Sur cette exposition, nous, président 60 ans de 5e République, on est sur une thématique qui est plutôt franco-française. Donc là, on a travaillé avec les services de l'Élysée. D'ailleurs, on est sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, président de la République. On a travaillé avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat, les musées des présidents, que ce soit celui de Pompidou à Montboudif, que ce soit celui de Jacques Chirac à Saran, celui de François Mitterrand, le musée du Septennat à Château-Chinon. On a travaillé avec la Fondation Charles de Gaulle et le Mémorial Charles de Gaulle, qui n'est pas très loin de nous, avec Sciences Po, avec la Fondation Jaurès. Bref, tous les partenaires finalement qui sont incontournables lorsqu'on va parler de 5e République, lorsqu'on parle de président de la République, il fallait vraiment que ces gens-là puissent nous prêter des objets, nous prêter des affiches, parce que c'est important de retrouver, d'arriver à retracer finalement 60 ans de vie politique et d'élections présidentielles. C'est un gros travail, et là je voudrais vraiment remercier la Fondation Jean Jaurès et Sciences Po qui nous ont aidés à réunir tout ça, et c'est très très apprécié de nos visiteurs. Et puis dans d'autres projets, on est au contact d'autres partenaires. Lorsque il y a 2 ans, pour les 70 ans de l'ONU, on a voulu être mobilisé, on l'a été, on était le seul bâtiment de France qui était présent aux côtés de 150 bâtiments mondiaux. Il y avait l'Empire State Building, les pyramides de Gizeh, la Grande Muraille de Chine, le Corcovado, enfin bref, c'était exceptionnel, et on était tous illuminés de bleu pour les 70 ans de l'ONU, puisque la couleur de l'ONU, c'est le bleu. L'an dernier, on a participé au sommet des prix Nobel de la paix à Bogota. Il y a à peu près 25-30 prix Nobel de la paix qui sont encore vivants et qui se réunissent régulièrement sur des grandes opérations avec 40, 50, 70 000 personnes qui peuvent venir assister à leurs débats. Et c'était à Bogota, en Colombie, pour saluer et pour aider le processus de paix entre l'État colombien et les FARC. Et nous, on était présents là-bas avec une exposition que j'ai présentée aux 25 prix Nobel qui étaient réunis. C'était un moment exceptionnel. Voilà, on travaille aussi avec l'Union européenne, bien sûr, avec le Parlement européen. Martin Schulz est venu chez nous l'an dernier, le 9 mai, le jour de l'Europe. C'est des grands moments. On travaille avec le Bundestag et avec la présidence allemande. Et chaque année, par exemple, on sélectionne un jeune Français qui va partir sur la semaine officielle de commémoration de l'ouverture des camps de concentration et d'extermination. Là, cette année, c'est une jeune Mosellane qui est partie. Elle était au Bundestag. Elle a croisé le président allemand, forcément, et l'ensemble des officiels allemands, et ça, elle faisait partie d'une petite délégation, une soixantaine. Donc tout dépend vraiment du sujet sur lequel on travaille, mais on essaye toujours de travailler au plus haut niveau, parce qu'on ne peut pas s'appeler Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme, et puis finalement ne pas avoir cette ambition que d'aller chercher les partenaires qui sont les plus adaptés sur chaque sujet. Bien entendu, et ça se comprend. D'ailleurs, il y a une question qui me vient soudainement, très spontanément. Comme vous êtes le Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme, hein, comme je le rappelle. Vous parlez de la paix qui a été acquise, mais est-ce que c'est important, vu que bon, ça on l'a déjà vu avec le mouvement de la paix des Vosges, est-ce que c'est important pour vous aussi de militer pour la paix dans le monde? Donc par exemple, sur les conflits qui opposent les Palestiniens aux Israéliens, par exemple. Alors sur cette thématique particulière, le Centre mondial de la paix a réuni à son début une classe de paix. C'est quelque chose qui était très très innovant à l'époque. Il y avait des jeunes Israéliens, des jeunes Palestiniens qui étaient invités pendant une semaine à venir, à travailler ensemble, à réfléchir ensemble pour justement se connaître et essayer quelque part de créer un climat de confiance. Ce travail qu'on peut faire pour le Proche-Orient, il faudrait le faire malheureusement sur une grande partie du globe où on voit qu'il y a des déséquilibres. On pourrait être en Turquie ou au Cambodge, j'ai parlé de liberté de la presse qui est totalement anéantie. On pourrait être au Venezuela, on pourrait être vraiment sur tous les continents. Malheureusement, on est une association, une petite équipe, et il faut faire des choix chaque année pour être finalement cohérent aussi par rapport à ce qu'attend la population. C'est pas toujours ça. simple de parler d'un sujet qui était extrêmement pointu et de sentir que les touristes n'accrochent pas. Lorsqu'on a la triennale de l'affiche politique qui vient donc tous les 3 ans, un concours qui réunit 1500 graphistes dans le monde qui vont, mais parfois dans des pays où la liberté d'expression est totalement anéantie, qui vont s'exprimer au travers de l'affiche et qu'on présente leur travail. Et la dernière fois, c'était un Chinois qui était lauréat et qui était premier prix, qui n'a jamais pu récupérer son prix d'ailleurs. Lorsqu'on présente ce travail, force est de constater malheureusement que le citoyen, il est tellement dans son idée d'être plutôt en vacances qu'il ne va pas accrocher forcément sur une thématique comme ça. Et que c'est un gros investissement qui est compliqué pour nous, on le fait, mais qui n'est pas rentable. Au sens où ça ne nous permet pas de rentrer simplement de nos frais d'organisation. Et c'est compliqué parce qu'on est quand même dans une situation où aujourd'hui on doit équilibrer les comptes, on ne veut pas se permettre d'être en déséquilibre. Donc il faut toujours qu'on veille à trouver finalement le bon média, la bonne façon de présenter les choses. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs expositions en même temps. Parce que on en a certaines qui sont certainement un peu plus ardues à aborder, qui sont un peu plus pointues. Et il y en a d'autres qui sont plus simples. Et comme les visiteurs ont ce choix de pouvoir prendre plusieurs expositions en même temps, ça leur permet quand même de rentrer dans une exposition dans laquelle ils ne sauraient pas rentrer peut-être si elle n'existait que toute seule. Donc c'est vraiment une stratégie qui permet d'offrir avec quelque chose qui est plus simple, mais quelque chose qui est plus grand public, un contenu qui parfois est un peu plus élaboré, un peu plus ardu, un peu plus difficile ou simplement méconnu parce qu'il est à l'autre bout du globe et que les actualités françaises parlent en général de ce qui se passe en France, un peu de ce qui se passe en Europe, un petit peu de ce qui se passe dans les grands pays du monde, mais on ne va pas parler de la Tanzanie, on ne va pas parler du Gabon, on ne va pas parler de quantité de pays et ils ne sont que 192 dans le monde. Et ce n'est qu'une considération personnelle, mais c'est dommage, mais bon, ça, ce n'est pas, ce n'est pas la faute du Centre mondial de la paix. Après tout, vous faites ce que vous pouvez pour informer aussi les visiteurs, autant que possible aussi de sujets qui sont susceptibles de les intéresser, de les faire venir et de les faire revenir aussi, j'imagine, bien entendu. Bien sûr. Chaque année, la programmation change chaque année, donc chaque année, finalement, ils peuvent découvrir de nouvelles thématiques. On n'a pas parlé de la Colombie il y a 2 ans, on en a parlé l'an dernier. Cette année, on parle de la Ve République, de la Constitution française, dans notre axe liberté et droits de l'homme. L'an prochain, on parlera d'autre chose. C'est chaque année, finalement, cette programmation qui se renouvelle, qui donne aussi cette richesse et qui permet finalement de balayer tous les sujets, mais les uns après les autres, année après année. On n'a que 2000 mètres carrés d'exposition. 2000 mètres carrés, il y a beaucoup de structures qui rêveraient d'avoir autant de mètres carrés d'exposition, mais c'est insuffisant pour traiter tous les problèmes dans le monde. En effet, oui, comme tu le dis, hein, c'est une question que je voulais te poser d'ailleurs. Tu m'as devancé, 2000 mètres carrés, c'est pas négligeable pour exposer, mais après, comme tu l'as dit, hein, la paix, la liberté, les droits de l'homme, l'histoire aussi, ce sont des thèmes qui demandent beaucoup de place, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et en effet, ça ne suffit pas, et comme tu l'as dit, hein, chaque année, les thèmes changent pour pouvoir aborder le plus de sujets possible, mais après ça reste encore une fois dans les valeurs du Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme de continuer à faire connaître un petit peu l'état de la paix et à informer. Et tu sais quoi, ça va tout doucement être l'heure de la troisième et dernière pause musicale. Pardon, et après la pause musicale, je pense qu'il sera vraiment temps de parler du personnage que tu recevras au centre à Verdun ce mercredi. En attendant, tu as proposé un autre morceau, Masquerada de Sergio Mendes avec les Black Eyed Peas, un morceau que j'aime bien aussi. Hein. Pour les auditeurs, ils peuvent aller sur la page Facebook de l'exposition Nous Président. Je viens de poster des photos de Michel Charas avec ses bretelles. Je pense que tout le monde va le reconnaître. Il suffit de taper sur Facebook Nous Président, c'est une page publique. Ah, eh bien, on a hâte d'aller voir ça. Et en attendant, on s'écoute Masquerada. A tout de suite sur Radio Gemozo. Masquerada, black bees came to make it hotter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black eyed peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say yeah. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, through our hip hop, bebop, even the R and the B, we got, tab magnification, tab magnify like every day, so yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black eyed peas will keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right, up in the lab every day till daylight, that's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. C'était Maskenada par Sergio Mendes et les Black Eyed Peas. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et je vous invite comme d'habitude à réagir sur notre page Facebook Radio Gemozo si vous avez une quelconque question à poser à mon invité Philippe Hanch, le directeur du Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l'Homme. Et j'ai un petit peu teasé depuis le début de l'émission, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de... Si, on a parlé de l'exposition nous, président 60 ans de 5e République, mais en lien avec cette exposition, pardon, je vais y arriver, en lien avec cette exposition, il y aura ce mercredi à 10h ou 10h30, une conférence de Michel Charas. Et Philippe, tu avais dit que tu parlerais un petit peu plus du personnage. Alors oui, effectivement, Michel Charas, c'est un personnage, déjà on va commencer par là, c'est le premier de notre cycle de conférences, puisqu'on a des grands acteurs de la Ve République qui vont venir en conférence. On a Michel Charas, on a Jean-Louis Debré, on a Christian Ecker, l'ancien secrétaire d'État au budget, on a le fils de Georges Pompidou qui viendra, et Yves Murmure qui est même un ancien président qui vient, mais ça c'est secret. Le 30 mercredi, c'est Michel Charas. Alors Michel Charas, c'est le conseiller le plus proche peut-être de François Mitterrand, celui qui était vraiment dans l'ombre, qui connaissait toutes les décisions, qui savait vraiment ce qui se passait. Il est aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, c'est l'un des 9 sages du Conseil constitutionnel, dont le rôle c'est de vérifier que la loi, les lois, sont conformes à notre Constitution. Donc quelque part, Michel Charas, il a à la fois le vécu de conseiller, de ministre François Mitterrand, et il a le vécu aujourd'hui de l'autre côté de la barrière comme membre du Conseil constitutionnel. Donc c'était vraiment un témoin important à faire venir, et on se souvient tous du franc-parler de Michel Charas. C'est quelqu'un qui parle avec sa gouaille, avec ses mots qui sont très populaires parfois. Il dit les choses, et il va nous raconter énormément d'anecdotes justement sur cette présidence de François Mitterrand, parce que il faut se souvenir que François Mitterrand, lorsqu'il était dans l'opposition, avant d'être élu en 81, il est hostile à la constitution de la Ve République. Et il la trouve trop favorable au président de la République, il pense qu'elle n'est pas assez équilibrée. Et puis, en arrivant au pouvoir en 1981, bah finalement, il la trouve très bien pour lui. Il va l'utiliser, et même l'utiliser lorsqu'il sera en situation difficile, c'est-à-dire en cohabitation. Et là, on va voir que cette constitution a été extrêmement bien pensée, parce qu'elle va résister à ces deux périodes de cohabitation où on a un président de gauche et on a un premier ministre de droite, une assemblée de droite. Donc c'est ce qui permet quand même de faire fonctionner la République, et ça c'est magique, alors qu'on était sous la troisième, sous la quatrième République, donc avant, dans des situations où justement chaque fois qu'il y avait une crise politique, la France était paralysée et rien n'avançait. Là, cette constitution, elle nous permet de continuer, et Michel Charas va nous raconter comment Mitterrand a vécu cette constitution de la Ve République, comment il l'a utilisée à son profit également pour rester président de la République alors que l'Assemblée n'était plus de son bord. Et pour cette conférence, bien entendu, alors il faut quand même le dire aux auditeurs, hein, d'après le communiqué de presse, l'entrée est libre, mais il y a une capacité maximale, j'imagine, donc il faut peut-être prévenir avant de venir. Oui, cette conférence qu'on organise avec l'Institut François Mitterrand, elle est d'accès gratuit. Mais effectivement, Michel Charas a beaucoup, beaucoup de succès, donc on a demandé aux gens de réserver, de nous dire, voilà, on vient, de façon à ce qu'on soit sûr qu'à un moment donné, il n'y ait pas des gens qui ne trouvent pas la possibilité de rentrer dans la salle. On a 300 places, ça reste quand même une grande salle. Michel Charas va avoir beaucoup de succès, ça va se dérouler avec à peu près une demi-heure de prise de parole de Michel Charas qui va un petit peu parler, et puis après surtout c'est de l'échange avec la salle, c'est les gens qui vont lui poser des questions et toutes les questions du monde, et qui vont pouvoir même dialoguer avec lui de façon privilégiée à l'issue. On sera aux alentours de midi lorsque ceux qui voudront faire dédicacer un des ouvrages de Michel Charas pourront le faire et s'approcher de lui vraiment au plus près, même si au départ ils auront pu poser des questions dans la salle. Et ça c'est la beauté en fait de cette conférence, hein, rencontrer quelqu'un qui a été au plus près de François Mitterrand. Et on a dit, hein, aussi, Michel Charas est le vice-président de l'Institut François Mitterrand. Tu peux peut-être rappeler aux auditeurs et puis bien entendu à moi ce qu'est cet institut. Lorsque François Mitterrand plus en fonction, quelque part il s'agissait de pouvoir matérialiser finalement un moment d'histoire. Il a été président pendant 14 ans et Michel Charas est l'un des fondateurs de l'Institut François Mitterrand pour garder finalement une capacité à étudier ce moment d'histoire et à permettre aux historiens de pouvoir aller chercher des informations sur ces 14 années de septennat, mais pas seulement, puisque François Mitterrand a occupé d'autres fonctions avant 1981. Donc c'est quelque part une fondation dédiée vraiment à l'étude scientifique, consacré à François Mitterrand. Ça permet aussi d'entretenir sa mémoire. Il y a eu beaucoup d'actions justement à l'occasion du centenaire de la naissance de François Mitterrand l'an dernier. Et cette fondation a en plus la charge d'animer les lieux mémoire de François Mitterrand, que sont Jarnac, sa maison natale, et puis en partenariat avec le département de la Nièvre, animer le musée du Septennat qui se trouve à Château-Chinon. Et avant qu'on... parce que je vois l'heure qui tourne, hein, avant qu'on se dise au revoir, ce serait peut-être bien de voir ou de peut-être dire à nos auditeurs s'il y a des actions ou des projets de prévus avec le Centre mondial de la paix. Alors, actions et projets en permanence, là c'est vrai qu'on est dans l'actualité chaude de notre exposition consacrée à la Ve République, donc Michel Charasse le 30, Jean-Louis Debré le 15 juin, Christian Ecker le 18 juin. Mais on a à côté de ça un travail qui est fait avec les collégiens et les lycéens pour qu'ils étudient une œuvre littéraire et qu'ils inventent la suite du livre. Et ça fera l'objet d'un prix qui sera remis le 5 juin, ça s'appelle le prix Jeunesse, raconte-moi l'histoire. Et puis moi j'invite vraiment tout le monde à se connecter sur Facebook, à s'abonner à la page de l'exposition Nous Président ou à la page du Centre mondial de la paix, parce qu'il y a de l'actualité en permanence. On n'a pas un mois, on n'a pas une semaine sans qu'il y ait quelque chose au Centre mondial de la paix, que ce soit une conférence, que ce soit une visite un petit peu insolite, ou même tout simplement une animation avec un de nos partenaires qui vient occuper nos locaux. Donc il y a toujours quelque chose qui se passe chez nous, c'est très dense et c'est très compliqué de le résumer en une minute. Mais je voudrais juste remercier, si je peux encore, nos trois partenaires institutionnels, parce que j'ai cité ceux qui ont travaillé avec nous sur l'exposition, mais à nos côtés, tous les jours, il y a la région Grand Est, le département de la Meuse et la ville de Verdun. Ce sont des partenaires qui sont incontournables pour nous et on a vraiment, vraiment besoin d'eux. En effet, c'est important de souligner le travail des partenaires, comme tu le dis, et aussi souligner, vu que bon, ça c'est une question que je me pose aussi d'un coup, comme c'est une association, il y a des bénévoles qui travaillent. Alors c'est une association très particulière, il n'y a que des salariés qui travaillent. Et on a un conseil d'administration avec 10 élus qui, eux, ne sont bien sûr pas rémunérés. Le président est Gérard Longuet, le sénateur et ancien ministre. C'est important d'avoir quelqu'un qui a une aura nationale et internationale et qui peut nous ouvrir des portes pour nos contacts. Mais on n'a pas de bénévoles. On est vraiment une association particulière, justement, de ce point de vue, parce que on est sur des domaines où on a besoin d'une permanence d'action. Lorsqu'on est en relation avec le Quai d'Orsay, on peut pas travailler juste pendant des heures de bénévolat. On est vraiment en permanence. Moi, si je dois répondre à un conseiller du ministre des Affaires étrangères, c'est tout de suite, c'est pas dans trois jours, quand je reviendrai en bénévolat. Donc c'est vraiment important qu'on puisse être en permanence. Et puis on a des agents d'accueil qui sont nombreux parce qu'on est ouvert tous les jours, y compris les jours fériés, y compris le samedi, y compris le dimanche, de 10h à 18h sans interruption. Donc c'est aussi une grosse charge que d'avoir cette ouverture. Et puis une association de cette taille-là, elle est contrôlée par un expert comptable, un conseiller, un commissaire aux comptes. Donc on ne peut pas travailler, reposer sur le bénévolat, parce que là on est vraiment à la limite de l'exercice, on est vraiment obligé d'être professionnel. Oui, c'est pourquoi, comme tu le dis, hein, il est important qu'il y ait toujours des personnes en permanence pour que, bien entendu, hein, vous continuiez à tendre vers le haut, à travailler avec des partenaires prestigieux, mais aussi des partenaires locaux, après tout. Vous travaillez avec tellement de monde, hein, mais je le rappelle, pour les plus grands, quand même l'ONU, le prix Nobel de la paix, le gouvernement français, le gouvernement allemand, l'Union européenne, le Bundestag, enfin, il y en a tellement, mais c'est, je pense que c'est aussi l'important, et le fait de travailler avec tous ces acteurs-là vous donne encore plus de poids, même si j'imagine que la question n'a même pas lieu d'être. Non, en fait ça se construit année après année, c'est-à-dire brique après brique. C'est parce qu'on a réussi à nouer une relation qu'on arrive à en nouer une autre. C'est beaucoup beaucoup de travail, c'est des heures et des heures pour convaincre, et puis surtout on fait pas ça pour nous. On fait ça avant tout pour les citoyens, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers. Il y a beaucoup de touristes étrangers étrangers qui viennent à Verdun, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus âgés, c'est pour leur offrir à eux une chance unique à accueillir par exemple une exposition en exclusivité européenne qui vient de New York, c'était le cas en 2015 avec les 70 ans de l'ONU, ou avoir cette exposition avec 600 objets qui n'ont jamais été présentés au public, ces objets qui sont dans l'exposition Nous Président. Et là, je te garantis, Lou, qu'il y a des choses exceptionnelles quand on a la copie officielle de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Le général dit, oui, c'est bien la copie officielle de mon appel du 18 juin, manuscrit, on voit les ratures, on voit les rayures, on voit tout. Lorsqu'on a un cadeau somptueux qui est fait par le roi d'Arabie Saoudite, qui montre une scène dans le désert faite en métal précieux, ou lorsqu'on a un blouson brodé François Hollande à l'intérieur, et de l'autre côté, on a la broderie Camp David, et en dessous, l'insigne de la présidence américaine, parce que c'est le cadeau qu'a fait Barack Obama à François Hollande lorsqu'en 2012, il est allé à son premier G8. Voilà, on a aussi le manteau de fourrure et la chapka. Tout le monde se souvient de la photo de François Hollande avec ce manteau et cette chapka. En effet. C'était un moment historique parce qu'il l'a porté pour dire merci au président kazakh qui venait d'arranger un rendez-vous avec Vladimir Poutine en pleine crise ukrainienne. Et là, François Hollande, au lieu de revenir à Paris, il fait un détour par Moscou, il dit à Vladimir Poutine, ça suffit, maintenant il faut que tu arrêtes, tu ne peux pas continuer comme ça la situation en Ukraine. Donc on est dans un moment où la paix se construit et finalement cet objet, comme les 600 autres qui sont présents dans l'exposition, ils portent une histoire exceptionnelle. Donc c'est bien ça, la raison d'être de cette exposition, c'est non pas montrer une torche olympique à Rio, parce que c'est une torche olympique, ne pas montrer la réplique de la Coupe du Monde offerte à Jacques Chirac le 14 juillet 98, parce que c'est une Coupe du Monde, mais parce que derrière il y a une histoire, parce qu'il y a des questions de diplomatie, il y a des questions de rayonnement de la France, il y a des questions de relations entre les différents acteurs publics que sont le président, le gouvernement. Donc c'est vraiment l'enjeu de cette exposition, de chacun des objets, des 600 objets qui sont présentés dans cette exposition. En effet, c'est toutes ces raisons, hein, je pense que là les auditeurs n'ont plus de raison de ne pas aller faire un tour au Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l'Homme à Verdun. Et dis-moi juste, dernière info avant qu'on rende l'antenne, l'exposition a lieu jusqu'à quand ? Elle est ouverte jusqu'au 20 décembre, tous les jours de l'année, de 10h à 18h. Tous les jours de l'année, y compris samedi, y compris dimanche, y compris jours fériés, jusqu'au 20 décembre. Et après, ça sera trop tard. En effet, mais on a encore le temps d'ici là. Ah, mais qu'entends-je, j'entends, ça y est, le générique de fin. Donc avant de se dire au revoir, c'est l'heure de faire le programme de la soirée. À 20h, ce sera l'émission de François, hein, les calendriers des esclavages et des libérations. Et la prochaine émission, ce sera bah, la mienne, demain matin, 7h-8h, la rediffusion de l'émission que vous venez d'écouter à l'instant. Mais pour ceux qui ont envie d'écouter l'émission ou même de la voir pour eux tout seuls, hein, elle sera disponible en podcast sur la page Facebook de la radio, sur notre site internet radioguemozo.eu, là où elle est facilement téléchargeable. Merci encore, hein, Philippe, d'avoir répondu à mon appel pour faire cette émission avec toi. C'était vraiment un plaisir d'en savoir plus sur le Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l'Homme. C'est bon, on arrive au bout. Merci sincèrement pour toutes ces informations et je suis persuadée que ça aura intéressé nos auditeurs qui vont peut-être aller voir les expositions qui ont lieu à Verdun au Palais Épiscopal. Et la prochaine fois, promis-vous, je ferai le déplacement jusqu'à Radio Guémozo. Là, c'était compliqué, il y avait d'autres rendez-vous et j'ai pas pu prendre la route suffisamment tôt. Ah, mais t'inquiète pas, tu vois, Radio Guémozo, on se débrouille avec ce qu'on a. On a très bien pu, sans problème, faire un phoneur. Bonne soirée à tous les auditeurs. Et Verdun n'est qu'à peu près 1h30 de route de chez vous, 2h de route. Ça peut donner l'occasion d'une belle journée en famille. Il y a beaucoup de choses à faire. En effet. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Philippe. Et aux auditeurs, hein, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve demain, même heure, pour parler avec un youtubeur vegan sur Radio Guemozo. Bonne soirée à tous.